Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Charles Dickens et l'Angleterre de la Révolution industrielle du 19e siècle. Il y avait une urbanisation très rapide, l'émergence des villes comme Manchester, par exemple, qui étaient tout à fait petites avant, qui sont devenues de très grandes villes très rapidement. Évidemment, ça emportait beaucoup de maux sociaux. Cette Angleterre qui s'industrialise et qui s'urbanise si rapidement, dont parle l'historien James Bisjall à l'émission Archéologie industrielle, diffusée en 1978, c'est cette Angleterre que va décrire dans son œuvre Charles Dickens tout au cours de sa vie. Lire Dickens, c'est regarder l'Angleterre industrielle et victorienne droit dans les yeux et sans complaisance aucune. L'œuvre de Dickens nous plonge au milieu de cette classe ouvrière qui se débat au quotidien pour survivre dans cette Angleterre du 19e siècle. Dickens va connaître lui-même la misère, avant de devenir l'un des auteurs les plus célébrés et les plus lus de toute l'histoire de la littérature anglaise. S'il vous plaît, monsieur, j'en voudrais encore. Quoi? Oliver Twist, on a réclamé encore. Il en veut encore? Cet enfant sera pendu. Tu sais que tu n'as ni père ni mère. Je le sais. Tu es venu pour recevoir une éducation et pour que l'on t'enseigne un bon métier. Qu'on en finisse. J'espère que tu lis tes prières tous les soirs. Mon nom, c'est Jack Dawkins, mais on m'appelle le parfait coquin. Oliver Twist. Pourquoi on t'appelle le parfait coquin? Voilà pourquoi. Extrait de la bande-annonce du film Oliver Twist, réalisé par Roman Polanski en 2005. Oliver Twist qui, avec David Copperfield, sont probablement les deux romans les plus connus de Charles Dickens, pour nous raconter la vie et l'œuvre de Charles Dickens, mais pour nous raconter aussi cette Angleterre industrielle que décrit Dickens dans son œuvre. Je reçois l'historienne Evelyne Ferron, elle-même fervente lectrice de Dickens. Oui. Evelyne, bonjour. Bonjour. Parlons d'abord de Dickens lui-même, de l'importance qu'il a, quelle place il occupe dans la littérature anglaise. Ben dans la littérature anglaise et même dans l'histoire, je dirais en général, c'est le premier auteur des grands romans. Ouais. L'époque victorienne donne naissance vraiment aux romans. Les gens vont commencer à acheter ça, à se plonger dans la littérature, dans les histoires. Le style gothique va emboîter le pas. On entre vraiment dans une grande ère, en fait, au 19e siècle qui sont publiés de la littérature. Avec Dickens, mais et c'est peut-être le premier aussi, les fameux serials qui sont publiés en feuilleton. Oui, en feuilleton, au départ dans les journaux, parce qu'il faut dire aussi que cette Angleterre-là, c'est l'Angleterre du journal. Les gens achètent les journaux, les consomment de manière quand même, je dirais, assez importante. Aujourd'hui, en tout temps, les gens sont sur leur cellulaire, ils ne se regardent pas, mais vous auriez pris le train à Londres à l'époque du 19e siècle et tout le monde aurait eu la tête plongée dans son journal. Mais lentement, mais sûrement, on va arriver aussi avec le roman relié. Donc, Dickens vit en fait les deux époques, mais il est un peu à l'origine vraiment de la mise en scène du roman. Donc, ça veut dire qu'on a des personnages qui vivent des histoires, vivent des aventures et il y a une certaine complexité dans ces aventures-là. Il y a plusieurs personnages, on commence à avoir beaucoup, beaucoup de personnages secondaires et on commence à décrire les lieux, décrire la nourriture, les sentiments. Et là, on peut dire que le lecteur plonge dans une histoire. Il est pour ça un des précurseurs du roman moderne, entre guillemets. Et il est connu, il est célèbre de son vivant. Parce que les gens lisent ça, ils en veulent, en redemandent et tout ça. Et il a cette espèce de génie, on va dire ça comme ça, d'ajuster les histoires puisqu'elles sont publiées comme feuilleton au départ. Au gré de ce qu'on lui dit aussi, les gens vont lui critiquer certains personnages, vont lui dire « Ah, j'aime pas comment cette personne-là fait ça comme ça, t'es pas juste là-dessus. » Ben, la semaine suivante, il va commencer déjà à retravailler la personnalité d'un personnage. Donc, il évolue aussi avec son époque et il évolue avec la critique. Mm-hmm. Et ça, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, le roman, quand il est publié, bon, l'éditeur l'a critiqué, mais une fois qu'il est publié, la critique va rentrer dedans, mais il n'y a plus moyen d'y retoucher. Là, c'est fini. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Et parler de Dickens, évidemment, puis c'est ce qu'on va faire tout au cours de l'émission, c'est de parler bien sûr de Dickens, de sa vie, de son œuvre, mais de l'Angleterre qu'il décrit, parce que c'est vraiment indissociable. Et comment la décrire, cette fameuse Angleterre de Charles Dickens? C'est l'Angleterre qui a déclenché la révolution industrielle que l'on peut considérer comme un des principaux événements de l'histoire aux conséquences incalculables. C'est avec Arkwright, l'inventeur de la Mule Jenny, pour filer le coton. Arkwright, dont les usines de Cromford et de Manchester sont les premières grandes entreprises mécanisées du monde, que commence l'ère de la machine, tout le bien et tout le mal de notre temps. De 1788 à 1803, on assiste à un développement littéralement frénétique de l'industrie cotonnière. On ne prend même plus la peine de construire des usines. On s'installe dans des granges, des locaux abandonnés, dans tout ce qui permet d'abriter quelques machines. En 1760, on comptait 40 000 personnes employées dans les manufactures de coton. En 1835, on en compte 1 500 000, soit 37 fois plus. Extrait de l'émission « L'épopée des matières premières ». C'est cette Angleterre qui s'industrialise à la vitesse grand V, qui constitue la toile de fond, qui est l'Angleterre de Charles Dickens. Ben, lui, il voit cette transformation-là. Ouais. La vie au quotidien, il voit la vitesse de ces changements-là. Urbanisation, industrialisation. Exode rural. Exode rural. Le choc aussi que ça provoque et la consternation de l'élite politique par rapport à cette masse de gens qui arrivent dans les villes comme Londres, Manchester, Liverpool, et qui là n'ont même pas l'espace pour loger tous ces gens-là, et la misère que ça va engendrer, une misère qu'on essaie de pas trop voir au début. On se dit que les gens sont responsables de leur propre malheur d'une certaine façon. C'était à vous de rester en campagne au pire. Il y a tout ça qui arrive en même temps. Ça change aussi le fait qu'on a beaucoup de gens dans le commerce, beaucoup de gens qui, parce que le coton on arrive de l'Inde, on produit le coton, mais on l'exporte aussi. Ouais. Et là, vous avez des gens qui possèdent des compagnies de transport qui vont faire fortune. Et il y a une nouvelle classe sociale. Oui, il y a la classe ouvrière, mais il y a surtout l'espèce de classe bourgeoise, ouais, qui arrive dans tout ça. Et ces gens-là n'ont pas de titre de noblesse et pourtant ne veulent pas être considérés comme le reste de la population, mm-hmm, parce qu'ils sont fortunés. Donc, ils vont inventer un peu le gentleman et la lady et vont arriver avec un nouveau système social aussi qui va leur appartenir avec les clubs et tout ça. Donc, il y a plein d'univers qui commencent à se mettre en place en même temps. Une société qui va être très clivée socialement. Oui, en fait. Oh oui, parce que si vous appartenez à telle classe, ben on ne se mélange pas avec l'autre, ouais, si on ne parle presque pas à l'autre. Même les serviteurs, des fois, dans certaines maisons, ben on le voit même plus tard avec une série comme Downton Abbey, ont toujours des quartiers à part. Mm-hmm. Le contact avec les gens de la haute est limité au minimum. La manière même d'élever les enfants pour les hautes classes est très particulière. C'est très codifié avec la nounou, avec la nurserie. Ouais. L'enfant, parce que Dickens parle beaucoup de l'enfant, c'est un des premiers, mais l'enfant, même chez l'élite, a une drôle de situation aussi. En fait, il n'existe pas, cet enfant-là. Mmh. Mais parlons-en de l'enfance, parce qu'effectivement, ce monde industriel, puis on va y revenir, les conditions de vie des ouvriers, ça va être présent dans toute l'œuvre de Dickens. Ah, oui. Mais l'enfance aussi, effectivement. Un petit mot déjà là-dessus, parce que c'est intéressant. C'est vraiment un thème récurrent pour lui. Probablement parce que lui-même, il va s'inspirer de sa propre enfance. Il est à 12 ans, Charles Dickens, lui-même, travailleur à l'usine. Oui, il travaille à l'usine. En fait, il s'occupe de mettre au départ les étiquettes sur les pots de cire pour les chaussures. Il travaille en fait dans une fabrique de cire à chaussures pour noircir les chaussures, qu'elles soient bien noires et tout ça. Donc, il est dans des conditions où il était un peu sale quand il était enfant. C'est pas la pire des conditions pour travailler, mais ça reste que pour un enfant de 12 ans, ça reste répétitif. C'est pas quelque chose qui est intéressant. Ça sent mauvais. On n'est pas traité nécessairement très, très bien quand on fait ça. Ça va le marquer, cette expérience. Ça va le marquer et ça va le marquer aussi. C'est dans sa littérature, on va remarquer que la femme, surtout quand elle est mère, n'est pas nécessairement un personnage gentil. Les mères de chez Dickens ne sont pas fines. Et ça, c'est très particulier. Et parce que sa mère, son père va en prison pour dette. Et là, la famille, d'habitude, bougeait à l'époque dans ces prisons-là avec le père. Dickens, lui, on lui a donné la chance, entre guillemets, de pouvoir s'en sortir et d'aller travailler pendant ce temps-là. Mais quand le père reçoit un héritage, revient à la maison, Dickens pense qu'il peut enfin sortir de là. Et la mère dit non, tu pourrais continuer à travailler. Elle veut que le revenu rentre toujours. Voilà. Et ça, on sait que c'est un... C'est une trahison, une brisure chez lui par rapport à sa mère. Et c'est plus ses sœurs qui vont devenir des femmes importantes dans sa vie. Sa mère va être mise de côté dans sa tête. C'est quelqu'un qui est méchant, finalement. C'est quelqu'un qui ne comprend pas que son talent est ailleurs et que, justement, il faudrait qu'il aille à l'école. Mmh. Alors ça, pour lui, oui, effectivement, c'est marquant. Il connaît donc quand même assez vite le monde des prisons, oui, par son père. Et il connaît aussi assez vite donc le monde de la fabrique, de l'usine, et tout ça, même s'il n'est pas dans le pire de ces usines-là. Heureusement, donc, son père, contre l'avis de sa mère, va l'envoyer à l'école. Oui. Il sera pas là très longtemps, je pense, mais c'est quand même probablement une forme de tremplin. En tout cas, assez vite, on se rend compte qu'il écrit très bien. Ça va être important pour lui, ça. Oui, il est un lecteur déjà. Même s'il entre à l'école, il sait lire et écrire depuis qu'il est jeune. Est-ce qu'il l'a peut-être sauvé dans une enfance qui a été un peu difficile parce que le père est emprisonné pour dette? Donc, il y a aussi une espèce de... quand on parle de clivage social, vous êtes moins bien vu dans la société dans un cas comme ça, même si c'est pas le pire des crimes. Dickens a quand même la chance de lire. Et il s'immerge quand même dans des livres comme Robinson Crusoe, qui a été très marquant pour lui. Et Les Contes des Mille et Une Nuits. C'est moins marquant dans son œuvre, on ne sent pas tant l'influence de ça, mais l'idée peut-être du roman, de l'histoire bien articulée. Les Contes des Mille et Une Nuits avaient ce style, justement. C'était des contes oraux qui avaient été portés à l'écrit. Il a lu ça autant qu'il le pouvait. C'est sûr qu'à l'école, ça a dû déjà le démarquer des autres, ouais. Parce qu'il avait une culture littéraire et il l'avait déjà imprégné comme son imaginaire. Et il écrit imaginaire. Lui-même très bien, oui. Très facilement. Il va devenir clair, oui. Il va devenir journaliste. Journaliste parlementaire, même. Parlementaire, mm-hmm. Ce qui lui donne un petit lustre. Hein. On est dans toujours dans cette société qui cherche à vous coller un statut, oui. Une étiquette. À 24 ans, ça c'est fondamental, il commence à publier des chroniques humoristiques une fois par mois dans un grand journal britannique. Ça s'appelle les Pickwick Papers. Ça va être important pour lui. Qu'est-ce que c'est que ces Pickwick Papers et pourquoi c'est important pour Dickens? C'est ce qui fait que Dickens devient un écrivain connu dès 24 ans et qui va être fortuné dès l'âge de 24 ans. Alors, on le connaissait déjà comme journaliste parlementaire et on appréciait sa plume incisive parce qu'il n'hésitait pas à critiquer. Il transpose ça dans des aventures. Donc, les aventures de M. Pickwick où, justement, on voit un peu les coulisses du monde politique. On voit un peu les coulisses aussi de l'élite. Comment ça fonctionne? Comment on a l'air d'être amis en apparence, mais comment souvent on fait des coups par en bas. Il y a beaucoup la corruption qui ressort aussi. Et ça, le public qui n'a pas accès tant que ça à la politique à l'époque en Angleterre, même si c'est un système parlementaire, est friand de ça. Et le personnage est tellement incisif, il est tellement toujours en train de voir ce que les autres ne voient pas, qu'il est la grande inspiration de Sherlock Holmes. Et donc, c'est un personnage marquant. Et comme on suit ses aventures, les gens, des fois, lui disent, il s'est passé telle chose dans telle ville en Angleterre, mais il va s'en inspirer. Donc, comme c'est publié, justement, sous forme de feuilleton, aux semaines, aux deux semaines, ça dépendait des périodes, ça a été publié pendant une longue période de temps, Dickens s'ajuste à sa société. Donc, c'est un reflet quotidien, presque, de ce que vit cette Angleterre à grande vitesse. Donc, les gens ont l'impression d'avoir une analyse, même si elle est romancée, de ce qui se passe dans leur quotidien. Donc, ce sont ces aventures de M. Pickwick qui lui donnent sa célébrité et sa fortune. Mm-hmm. Va arriver assez vite quand même son premier grand roman, publié encore là en feuilleton en 1837 et 1839. Mm-hmm. Il s'agit d'Oliver Twist. Oliver Twist. Et là, il marque d'une autre façon parce que M. Pickwick, bon, c'est un homme de la haute, c'est un homme qui joue dans la sphère politique. Mais Oliver Twist, c'est un orphelin. Oliver Twist, c'est montrer justement la réalité que les gens ne veulent pas voir. Les gens passent dans les rues ou passent proche des quartiers industriels, mais ont le petit mouchoir ou l'éventail devant le visage et font comme si cette misère-là n'existe pas. Dickens fait quelque chose de révolutionnaire et des auteurs comme Lucien Montgomery, Mark Twain suivront ensuite, mais il fait un personnage principal qui est un enfant. Mm-hmm. Il donne la voix à un enfant, ça c'est déjà exceptionnel parce que l'enfant n'existe pas dans cette société-là. Il est toujours à l'école. Et non seulement lui donne une voix, mais il montre l'enfant de la misère. Oui. Et il montre que l'enfant, il est espiègle. L'enfant, il est intelligent. Et ça, on lui donne la chance. Il peut s'en sortir. Mais Oliver Twist, justement, il est espiègle. Mais comme on essaie de le mettre dans une boîte, on l'essaie de faire quelqu'un de grand avec lui, c'est sûr qu'il fait des mauvais coups. C'est un enfant. Donc, il veut montrer qu'un enfant reste un enfant. Essayez pas d'en faire des adultes trop vite. De quelque part, il expose que la société industrielle est en train d'essayer d'enlever l'enfance à l'enfant. Et ça, c'est magnifique. Le meilleur exemple de ça, puis on revient à ce portrait, cette toile de fond de cette Angleterre du 19e siècle, c'est que l'enfance est effectivement assez rapidement détruite et anéantie parce que l'enfant se retrouve à travailler dans des conditions abominables en usine. Le travail aux machines consiste principalement, aussi bien dans le filage que dans le tissage, à rattacher les fils qui cassent, puisque la machine fait tout le reste. Ce travail n'exige aucune force physique, mais des doigts agiles. Donc non seulement les hommes n'y sont pas indispensables, mais en outre, le plus grand développement des muscles et des os de leurs mains les rend moins aptes à ce travail que des femmes et des enfants. Le rapport de la Commission centrale constate que les fabricants se mirent à employer des enfants rarement de 5 ans, fréquemment de 6 ans, très souvent de 7 ans et le plus souvent de 8 ou 9 ans. Que la durée du travail atteint souvent de 14 à 16 heures par jour, non compris les heures pour les repas. et que les industriels toléraient que les surveillants frappent et maltraitent les enfants et qu'eux-mêmes souvent agissaient d'eux-mêmes. On rapporte même le cas d'un industriel écossais qui poursuivit à cheval un ouvrier de 16 ans qui s'était enfui, le ramena en le forçant à courir devant lui à l'allure de son cheval au trot et en le frappant continuellement à tour de bras avec un long fouet. À nouveau un extrait de cette émission L'épopée des matières premières. Le dur travail à l'usine, Évelyne Ferron, le travail des enfants, la maltraitance des enfants, ce sera aussi évoqué dans l'œuvre de Dickens. Ah oui, c'est central. Et ce qu'il veut, c'est que les gens réalisent. Ouais. On dira ce qu'on voudra de Dickens, mais il est probablement un des premiers auteurs à oser, par la littérature, amener une conscience sociale. Mm-hmm. Est-ce qu'il important. A pensé, par exemple, à... Parce qu'il va parler de la condition de ses travailleurs. Oui. Il va aussi parler, on y revient, mais du peu de considération qu'on leur prête socialement. Ils vont parler du fait qu'ils ont, c'est des citoyens de deuxième classe, ils n'ont pas le droit de vote, ils n'ont pas le droit de se syndiquer. Il y a effectivement ce portrait très social, très politique aussi chez Dickens. Oui, et ce que les gens disent rarement de Dickens, c'est que pour arriver à dépeindre ça, les gens qui aimaient ses romans, ben, ils les amenaient dans les rues. Il y allait, lui. Alors, il allait dans les rues. Il n'avait pas peur d'aller dans les rues. Il a connu cet univers-là et il voulait le voir pour écrire ce qu'il a écrit. Il ne peut pas rester chez lui tout le temps, dans le manoir qui va se payer parce qu'il y a de l'argent. Ça aurait été impossible de dépeindre cette réalité-là. Le journaliste n'est pas très loin. Il ne l'a jamais quitté. Il amène les gens dans les quartiers en disant « Regardez comment ils vivent. Regardez ce qui est en train de se passer. » Alors, on va voir effectivement la mère mal habillée parce qu'ils n'ont pas d'argent, qui sont arrivés de la campagne, il n'y a pas de logement. Alors là, ils sont combien dans un logement à Londres? Tout est collé avec la back house, donc la toilette, ce qu'on appelle traditionnellement la bécosse, c'est de là que ça vient, des conditions donc d'hygiène qui sont... On ne peut rien faire contre ça. Ils sont collés sur les usines, le charbon tombe là-dessus. S'ils sont proches de la Tamise, des odeurs de la Tamise à l'époque, c'est épouvantable. Et elle a quelques enfants à sa charge. Elle n'a pas rien pour les nourrir. Donc, souvent, elle leur donnait du whisky aux enfants pour essayer de calmer la faim, le temps que le père travaille sur les docks du port pour ramener de l'argent. Je veux dire, c'est une réalité qu'on ne dépeint pas souvent et que Dickens est allé chercher, là. Jusqu'où va-t-il? C'est la grande question. Je vous propose un extrait qui va probablement vous remuer un peu. Evelyne Ferron, vous qui êtes une fervente lectrice et qui défendait Dickens bec et ongles. Ça va vous remuer parce qu'au fond, on l'a dit, il a ce côté journaliste. Est-ce que c'est un simple portraitiste? Est-ce qu'il ne fait que décrire l'Angleterre dans laquelle il vit? Ou est-ce que c'est vraiment un écrivain engagé? Je vous propose là-dessus d'entendre l'écrivain britannique Angus Wilson. Il sera suivi par le commentaire d'une historienne à l'émission française Le fond et la forme, diffusée en 1970. Son roman Hard Times, par exemple, il dit beaucoup de mal du capitalisme, certainement, mais il dit aussi beaucoup de mal des syndicats ouvriers. Son héros, qui est lui-même ouvrier, veut absolument quand même empêcher une grève en alertant les exploiteurs. Le peuple de l'ère victorienne, de l'ère industrielle du 19e siècle, était vraiment forcé d'être des bêtes, même des bêtes. Et il avait toujours une grande peur de révolution, par exemple. Et il a été divisé contre cette générosité envers le peuple et un vrai... peur bourgeoise de ce qui peut arriver si ces forces, même pas humaines, étaient relâchées. Et ça était... Ah, Évelyne Ferron, est-ce qu'il est engagé dans son écriture ou s'il ne fait que décrire la société dans laquelle il vit? Bien, c'est sûr que le rôle du roman, c'est surtout de décrire. Mais on pourrait décrire... Le choix du sujet lui appartient. Donc, je veux dire, il aurait pu décider de décrire sa société bourgeoise à lui uniquement. Mm-hmm. Il aurait pu décider de faire des grandes histoires romantiques qui auraient très plu à son époque, d'ailleurs, même encore plus. Mais pour revenir sur le commentaire de l'historienne qu'on vient d'entendre, est-ce que c'est le portrait d'un bourgeois qui a peur, au fond, qui a peur un peu de cette société qu'il décrit? Non, parce que quand on regarde Oliver Twist et David Copperfield, quand on regarde Les Grandes Espérances en particulier, non, parce qu'il essaie justement de montrer que ces gens-là sont des êtres humains. Il essaie de montrer que ces gens-là sont intelligents. Il essaie, en fait, de critiquer en disant arrêtez justement de juste les voir comme étant une autre classe. Et s'il les montre comme intelligents, ben, je veux dire, c'est pas de naissance à craindre qu'ils se rebellent. En fait, il se bat énormément à Dickens pour que ces gens-là aient accès au droit de vote. Oui. Mais c'est pas parce qu'il n'est sincèrement peur de la révolte, c'est qu'il se dit ben, comment voulez-vous aider ces gens-là s'ils ne peuvent pas s'exprimer politiquement avec les enjeux qui les touchent. Dickens ouvre des maisons pour les femmes veuves ou les femmes qui n'ont plus de mari, qui n'ont plus d'argent. Il fait de la philanthropie à grande échelle pour l'époque, en particulier c'est un des rares à oser redonner autant aux femmes, aux enfants et tout ça. Alors s'il avait été qu'un simple portraitiste, il s'en serait foutu. Est-ce que l'engagement politique lui a effleuré l'esprit à un moment ou à un autre? Il s'engageait politiquement, mais il le faisait par les journaux. Ouais. Alors, il sommait l'élite politique de se mettre le visage dans cet univers-là. Et c'est pour ça que je dis que c'est pas juste un portrait. Si on regarde juste l'œuvre littéraire, peut-être. Mais si on regarde tout ce qu'il a écrit dans les journaux pour confronter l'élite politique et aller voir ces quartiers-là, comme Whitechapel en particulier, sur le long de la Tamise, je veux dire, il est plus qu'engagé. Il veut vraiment changer les choses. Qui lit Dickens et a-t-il de l'impact, en fait? À l'époque, oui, il a de l'impact. Parce que justement, on a aimé... Avec M. Pickwick, même si c'était beaucoup plus politique et tout ça, il s'est fait un nom. Et on le sait, intelligent, et on l'écoute. Il a l'attention des gens. Alors, je dirais que l'élite victorienne, l'élite bourgeoise, mais même tous ceux qui savent lire, lisent Dickens par les journaux, parce que les journaux sont très accessibles à peu près à toute la population qui sait lire et écrire. Alors, tout le monde le connaît par ça. Et les gens aiment Dickens quand ils aiment... on aime sa plume, il écrit très, très bien. Mais les gens, justement, qui voient cette réalité-là au quotidien, parce qu'on interagit quand même avec la pauvreté au quotidien. Les gens qui vont s'éveiller avec une conscience sociale vont l'aimer. Ceux qui ne veulent pas voir ça vont le rejeter. Ils vont souvent dire justement qu'il essaie de faire larmoyer les gens, que c'est des romans larmoyants. Il y a une critique aussi négative qui vient avec ça. Ça dépend de si on veut voir ou pas. Il y a évidemment Oliver Twist dont on a parlé. Il y a David Copperfield. Oui. Ça, c'est probablement ses deux romans les plus connus. Comment décrire, sur le plan littéraire en fait, ce qu'il nous laisse, Dickens? Il nous laisse des aventures, parce que c'est sûr qu'Oliver Twist, David Copperfield, ou même si on pense au conte de Noël avec les Ebenezer Scrooge, qui est quand même un personnage assez marquant aussi de sa littérature, il nous fait vivre des aventures dans un univers justement que l'élite voit moins. Donc, c'est les rues arrières, c'est les campagnes reculées, c'est des gens justement, des fois, avec des mentalités qui sont très à l'opposé de ce qu'on vit à Londres, dans les hauts quartiers. Donc, il nous fait voyager, et en même temps, ben, il ramène justement, et ça c'est très très important dans cette littérature-là, le fait que l'enfant, il a de l'imagination. L'enfant, il est beau. L'enfant, il mérite qu'on s'intéresse à lui. Et ça, avec David Copperfield et Oliver Twist, le fait que ces romans-là aient été les plus populaires, d'ailleurs, montre que, quelque part, il a réussi ça. Amener la conscience que, écoutez, l'enfant, c'est l'enfant. Vous avez été un enfant vous-même. Rappelez-vous comment vous vous sentiez comme enfant. Et c'est la reine Victoria qui a lu ces romans-là. Elle en discutait dans les salons le soir, au point où, quelques mois avant la mort de Dickens, il a eu l'honneur de la rencontrer en personne. Elle voulait voir cette homme-là, qui l'avait ému aux larmes et qui a amené Victoria à essayer de se battre pour les logements sociaux avec le prince Albert, d'ailleurs. Ah bon. C'est un changement majeur. Ouais. Qu'est-ce qui reste de tout ça? Qu'est-ce qui reste de l'œuvre? Et qu'est-ce qui reste de la figure de Dickens aujourd'hui? Aujourd'hui, quand on pense à Dickens, malheureusement, je dirais que la jeune génération le connaît très peu. Il est moins d'actualité, alors que pourtant, dans l'univers dans lequel on lit, il pourrait l'être énormément. Il n'est plus en lecture obligatoire. Il y a certaines générations qui avaient lu Oliver Twist très jeune, un peu comme Tom Sawyer ou Huckleberry Finn. Aujourd'hui, ce n'est plus dans les programmes scolaires. Alors, je pense qu'il est moins connu des jeunes. Je trouve ça malheureux. Mais ça reste quand même l'homme qui a vraiment amené la conscience sociale par la littérature. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais lui enlever, peu importe la critique qu'on va lui donner. Évelyne Ferron, historienne. Merci beaucoup, Évelyne. Ça me fait plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.